Les dépravés, chapitre 12. Tandis que Houzelot père accumulait le plus d'obstacles possibles sur le chemin qui devait conduire Geneviève à la mairie, Houzelot fils s'efforçait de lui aplanir et de lui sabler la route. Ce couplet qu'elle m'a répété, s'était-il dit en quittant Geneviève, a été composé par quelqu'un. Ce nom, ou plus probablement ce surnom de Paul de Brique, correspond à l'individu. Si je ne puis découvrir celui qui a fait la chanson, ou celui en l'honneur de qui on l'a faite, c'est bien le diable si je ne mets pas la main sur quelqu'un de ceux qui l'ont chanté. Il fréquenta pendant 3 jours de préférence, à l'heure dite de l'absinthe, les cafés spéciaux où se réunissent ordinairement les militaires. Il y avait recueilli des bribes de conversation, dont pas une ne l'avait mise sur la voie, lorsque, à la porte du café Elder, il reconnut sous l'uniforme du sous-lieutenant de grenadiers de la garde impériale un ancien élève du collège Henri IV, aux côtés duquel il avait usé un certain nombre de fonds de culotte. On s'embrassa, on s'assit, le sous-lieutenant se plaignit, dans le métier des armes on se plaint toujours, les soldats se plaignent de ne pas être caporaux et les maréchaux de France de ne pas être empereurs. Il paraît que la plupart des camarades de promotion du sous-lieutenant portaient déjà l'épaulette à gauche, tandis qu'ils continuaient à l'attacher à droite. Quand il eut nommé par leur nom et par le chiffre de leur régiment tous ceux qui lui avaient coupé l'herbe sous le pied, Maximilien lui égrena ses 4 vers en lui demandant s'il pouvait lui en donner une traduction compréhensible. « C'est sans doute une marche de zouave, dit le jeune officier. Il les compose pendant leurs étapes. Les 3/4 du temps, elles n'ont pas le sens commun. Est-ce que tu tiens à te faire expliquer celle-là ? Précisément, je cherche une piste que ces 4 vers peuvent m'aider à retrouver. Eh bien, ce que tu as de mieux à faire, c'est de venir dîner demain avec moi à la messe de l'école militaire. Il aurait pu dire aux messes, mais plutôt au ciel que l'armée n'eût jamais commis que des fautes de français. Tu verras là des hommes qui savent sur le bout de leurs doigts l'itinéraire de tous les régiments depuis 1853. Tu ne te figures pas à quel point ils sont intéressants à entendre. Le lendemain, Maximilien, très impatient, après avoir conseillé la patience à Geneviève, était à l'heure militaire, dans une salle grande comme une église, devant un immense fer à cheval qui s'évasait pour recevoir le flot des convives. Au milieu, le buste en stéatine de Napoléon III, avec toutes ses croix, non pas bien entendu celles qu'il avait données, mais celles qu'il avait reçues. Le sous-lieutenant, son ami, lui avait choisi sa place et le nom de son père, très en relief depuis quelque temps, faisait de Maximilien une sorte de personnage. Il ne crut pas se tromper en supposant que les convives se mettaient pour lui en frais d'anecdotes et de théories militaro-philosophiques. Il épiait le moment d'entamer une série de questions dont la solution l'occupait uniquement, et il laissa passer, sans plus goûter aux uns qu'aux autres, les entremets sucrés et les récits des batailles qu'on lui servit à profusion. 2 ou 3 fois, au moment de mettre sur le tapis sa chanson de zouave, il se vit distancé par quelque épisode de la prise du mamelon vert ou quelque exposé sur la défense des places fortes. 27 projets de défense des places fortes furent successivement produits devant l'auditoire. Le meilleur plan pour défendre une place, c'est encore de refuser de la rendre, dit alors un lieutenant suspect de tendance républicaine. Lieutenant, répliqua avec une certaine vivacité, un gros major placé en face de Maximilien, si nous n'avons pas indiqué le moyen que vous émettez, c'est qu'il est écrit, avant tous les autres, dans les cœurs de nous tous qui sommes ici. On parla du souverain et les plus tièdes avouèrent qu'il était très bien à cheval. Il fut question du dernier bal des Tuileries et des largesses de l'Empire, comparé aux mesquineries de la cour de Louis-Philippe. C'est qu'aujourd'hui on sait dépenser son argent, fit observer un chef de bataillon aux moustaches blanches, mais comestiquées. Nous sommes plus autant, monsieur Guizot le disait impudemment, enrichissez-vous. L'empereur nous dit, enrichissez-moi. C'est en effet tout le contraire, souffla dans l'oreille de son voisin le lieutenant suspect. Mais le mot ne fut pas relevé. Et à 8h15, on convenait d'un commun accord, autour du fer à cheval de la grande salle de l'école militaire, que les Français étaient les premiers soldats du monde. À propos, fit tout à coup le sous-lieutenant en s'adressant à un convive de son grade, quoique beaucoup plus âgé. Vous, là, Bidot, qui avez 8 ans d'Afrique, est-ce que vous avez connu là-bas le capitaine Poil de Brique ? Poil de Brique ? C'est pas là un nom de chrétien, dit Bidot. Mais si, interrompit un lieutenant qui avait évidemment bruni sur les confins du désert. Tu sais bien, le capitaine Follard. Mais il ne s'agit pas de Follard, il s'agit de Poil de Brique, dit Maximilien. C'est ce que j'ai expliqué à Bidot. Le capitaine Follard surnommé Poil de Brique. Comme on dit, poil de carotte, à cause de ses cheveux rouge feu. Celui dont il est parlé dans ce couplet, probablement, ajouta Maximilien. Quand il paraît dans leur gourbille, on voit déraper les arbis, car il les mène à coup de trique, le capitaine Poil de Brique. Il leur saisit au moindre mot, bœufs, moutons, chèvres et chameaux. Il prendrait jusqu'à leur bourrique, le capitaine Poil de Brique. Continua une voix derrière Max. C'était celle d'un des soldats chargés du service de table. L'amant de Geneviève le pressa de questions et obtint de lui les lumières suivantes. Follard, capitaine au tirailleur algérien, avait été plusieurs années chef du bureau arabe d'un district situé à 25 km de Constantine. Impitoyable envers les indigènes qui ne payaient pas leurs impôts et dont, pour 3 douros en retard, il faisait saisir jusqu'aux femmes, dont moins dur envers les Arabes qui payaient et dont il réglait généralement les comptes à coups de trique, comme le déclarait la chanson. Il avait été mis en disponibilité à la suite du grand balayage nécessité par le scandale de l'affaire Douaneau. Ce Douaneau que tout le monde plaignait sous prétexte qu'il avait payé pour les autres, quand il était si simple d'arrêter les autres et de les faire à leur tour payer pour lui. Mais, ajoutait le soldat de service, qui donnait tous ces détails à Max, au moment de son rappel en France, et il y avait déjà longtemps que le capitaine Follard était au sac. Dans un certain argot, être au sac signifie avoir fait fortune. Et, demanda comme dernière question Maximilien, extrêmement indigné, ce Poil de Brique, qu'est-il devenu ? Je l'ai perdu de vue quand j'ai cessé de servir sous lui. J'ai entendu dire qu'il était retraité. Mais je ne sais pas s'il est mort. Simplement ministère de la guerre, dit le sous-lieutenant à Max. Au bureau des pensions, on te délivrera la son numéro matricule, et comme un retraité ne peut pas toucher ses trimestres sans un certificat de vie, tu sauras tout de suite s'il est décédé ou non. Eh bien, et Poil de Brique, demanda en riant Geneviève Maximilien. Depuis que ce nom grotesque avait été prononcé dans la maison, l'être mystérieux auquel il appartenait était devenu le sujet des plaisanteries continuelles des deux amants. On remettait tout au jour où on aurait découvert Poil de Brique. On éviterait Poil de Brique à la noce. Poil de Brique serait garçon d'honneur. Et à force de mettre Poil de Brique à toute sauce, on avait fini par ne plus y croire. Aussi Geneviève éprouva-t-elle une vive émotion quand Max lui répondit « Poil de Brique est retrouvé ». Mais cette fois, au lieu de rire, la jeune fille tomba dans une rêverie irrésistible lorsque Max lui donna les pays où le chef de bureau arabe avait passé, Alger, Constantine et surtout Soukaras. On plaça à la fin de la soirée dresser des plans. Et il était 1 heure du matin quand Geneviève s'endormit en murmurant « Soukaras, Soukaras ». Le capitaine Follard était si peu mort qu'il habitait à l'appartement avenue de Villars aux abords des Invalides. Mais, alors Max, en sortant du ministère où il avait toutes ses indications, courut, sans désemparer, à l'adresse du capitaine. « Au second, vis-à-vis de l'escalier, dit le concierge. » Le jeune homme fut introduit par un domestique moustachu, probablement une ancienne ordonnance, revenue à la vie civile, dans un vaste salon dont le confortable lui rappela l'expression bizarre dont le cuisinier du mess des grenadiers s'était servi pour qualifier la situation pécuniaire du capitaine. Un grand tapis de Tunis, à fond vert d'eau, presque aussi souple d'étoffe et aussi riche de dessins qu'un tapis de Smyrne, couvrait toute l'étendue du parquet. Des carpettes, également tunisiennes, étaient en outre disposées au pied de deux grands fauteuils Voltaire, à dossier extrêmement développé. Une chaise longue, dite méridienne, attestait que le capitaine Follard, dit poil de brique, avait pris en Algérie le goût de la vie horizontale. Le long des tentures, de cette soie légère où les Arabes taillent leur haïk, une véritable exposition de yatagans à fourreaux d'argent ou d'or repoussé et à poignées de jaspe. Sur la cheminée, deux coupes faites avec la coquille d'un œuf d'autruche, sciées en deux conques égales. Un second œuf d'autruche pendait du plafond, et pendait même si bas que le front de quelque habitué de la maison y avait probablement produit la fêlure circulaire qui le divisait. Maximilien avait 22 ans, c'est-à-dire qu'il avait pris son élan des bureaux du ministère de la guerre à l'avenue de Villars, sans songer à se demander quelle excuse il fournirait à l'ex-capitaine pour le sans-gêne avec lequel il le pourchassait, sans motif plausible, jusque dans son domicile. Avant de rechercher avec lui quelle filière avait suivi les couplets qui le concernaient, pour arriver à se graver dans la mémoire de Geneviève, il fallait d'abord les citer. Ce qui ne laissait pas que d'être délicat, le capitaine pouvait en rire, mais il pouvait s'en formaliser. Max, une fois au milieu des yatagans et des œufs d'autruche du tirailleur algérien, s'aperçut qu'il était au moins prudent de se préparer une entrée auprès de lui. Le visiteur, de plus en plus embarrassé pour trouver un objet à sa visite, songeait déjà à redescendre l'escalier, sous prétexte qu'il s'était trompé de nom et d'étage, lorsqu'une porte s'ouvrit sur le salon, où il vit s'avancer, ou plutôt rouler dans sa direction, un globe de graisse enfermé dans un pantalon en drap bleu et un coin du feu en laine blanche. Le tout surmonté d'une boule qui ne pouvait être qu'une tête, puisqu'elle s'attachait sur deux épaules, mais qu'on hésitait un instant à prendre pour une tomate. Le capitaine Follard avait les yeux rouges, le nez rouge, les oreilles rouges, la barbe et les cheveux rouges, non pas d'une nuance plus ou moins ensoleillée, plus ou moins vénitienne, mais rouge comme une feuille de cuivre fraîchement étamée, rouge comme l'extérieur de cette marmite qui donne tant de prestige à l'hôtel des Invalides et qu'il allait revoir presque tous les dimanches. Il était impossible d'être plus poil de brique. Le ruban de la Légion d'honneur s'harmonisait avec la tête du capitaine, comme si cette tomate avait laissé tomber un peu de son jus sur la boutonnière de la vareuse. « Monsieur le capitaine, » dit Maximilien, essayant d'improviser quelques défaites, « c'est avec la recommandation de plusieurs braves officiers de la garde que je prends la liberté de me présenter devant vous. Je suis le fils du docteur Ouzelot. Nous sommes sur le point, mon père et moi, de partir pour l'Afrique, où nous appellent certaines études scientifiques. Et comme m'a-t-on dit, vous avez exercé d'importantes fonctions dans le cercle de Constantine, j'ai commis l'extrême indiscrétion, connaissant vos sympathies pour tous ceux qui portent un cœur français, de m'adresser à votre connaissance si approfondie du pays que nous allons probablement parcourir. » Tout autre que le capitaine Follard eût été au comble de la surprise devant cette divagation débitée par un inconnu, cherchant visiblement ses mots et ses idées. Mais l'esprit d'analyse était juste assez développé chez cette pivoine pour qu'il vit dans la démarche insolite de Maximilien qu'un hommage rendu à sa valeur personnelle. Valeur méconnue par le gouvernement, qu'il avait sacrifié aux plaintes de ses scélérats d'arabes. Monsieur, dit-il, asseyez-vous donc, je vous prie, et croyez que je suis tout disposé à vous donner toutes les facilités dont vous pourrez avoir besoin pour explorer des contrées que je connais et que je ne regrette pas d'avoir conservées à mon pays, bien qu'il m'en ait récompensé par une mise en disponibilité bientôt suivie d'une mise à la retraite. En effet, on m'a raconté avec quelle injustice, oui, un an après l'affaire de ce pauvre douaneau, un brave garçon, allez, un peu brusque, mais franc. Il était impossible de rien voir de plus franc. C'était de l'osier. Eh bien, ils l'ont condamné, monsieur. Et pourquoi? Pour un mauvais chef de tribu, qu'on l'a trouvé mort dans le coupé d'une diligence, au moment où il allait faire contre nous des rapports à l'autorité supérieure. Des rapports à quel propos? Demanda bonassement Maximilien. Est-ce que je sais? Ils prétendaient tous que quand ils venaient dans les bureaux arabes pour toucher le prix du bétail qu'ils nous avaient vendu, on les soldait à coups de matraque, qu'on leur faisait payer 4 fois l'impôt, et autres calomnies qui avaient pour but de déconsidérer l'armée. Ces êtres-là sont si menteurs, c'est inimaginable. Les pieds dans le feu, la tête dans un silo, ils mentiraient. J'ignore si c'est réellement Doisneau qui a tiré le coup de fusil, mais s'il l'a fait, c'est uniquement parce qu'il ne voulait pas souffrir qu'on essaya de déconsidérer l'armée. À ce point de vue-là, il n'aurait fait que son devoir. Son devoir strict. Aussi, tu as été bien dangé. Va, mon brave ami, reprit Paul de Bric, en s'animant au point de devenir coquelicot. Ce que je leur ai bousculé de gourbis, brûlé de récoltes, ravagé de villages, ce n'est rien que de le dire. Ah, ces bandits, ils me l'ont payé. Maximilien se taisait, ne trouvant absolument rien à opposer aux lueurs rétrospectives de l'ancien chef de bureau arabe, qui d'ailleurs prenait ce silence pour le plus complet acquiescement. À la dernière révolte qui a eu lieu sur les frontières du Tell, vous auriez ri, continua-t-il. C'est moi qui ai demandé à commander l'expédition. J'ai commencé à leur faire couper à coups de hache, par mes hommes, plus de 10 000 palmiers. Et pas des palmiers nains, des palmiers, s'il vous plaît, qui avaient plus de 300 ans d'existence et dont chacun donnait ses 500 kilos de date. Après les palmiers, les figuiers. Vous avez lu qu'ils fabriquent leur couscous avec de la farine, du lait et des figues écrasées. Quand ils voulaient manger des dattes, plus un palmier à 30 lieues à la ronde. Quand ils voulaient manger du couscous, plus un figuier. Macache Bono, vous pensez bien, ils mouraient comme des moustiques. Sale crier, mes petits amis. Nous les ramassions par centaines sur ces routes. On a vu de ces gredins qui se décidaient à se faire anthropophage. S'ils avaient seulement pu se manger entre eux. Je me souviens que nous étions un jour à Sétif, à prendre des sorbets dans un café, et nous avons aperçu une quarantaine de ces affamés se traînant jusqu'à la porte des écuries de la cavalerie pour aller chercher des grains d'orge jusque dans le crottin de cheval. J'ai vu ça comme je vous vois, mon cher monsieur. Maximilien profita de la confiance que lui témoignait le narrateur pour aborder indirectement la question palpitante. On m'a en effet beaucoup parlé de la popularité dont vous jouissiez parmi vos soldats, dit-il. Ils ne connaissaient que vous. On m'a même cité celle-là, 4 ou 5 vers d'une chanson pleine de verve dont vous êtes le héros, si je ne me trompe, et où on rend justice à votre intrépidité et à votre respect de la discipline. Précisément, la chanson que chantait mes tirailleurs quand nous partions pour une razzia. Il m'appelait Poil de Brique. C'est un surnom qu'on m'avait donné à Saint-Cyr, à cause de mes cheveux, qui dans ma jeunesse étaient blonds ardents, mais qui ont beaucoup foncé depuis. Les Arabes me connaissaient bien. Quand l'un d'eux criait « Poil de Brique !»« Arroi, arroi !» il fallait les voir filer tous. Mais cette chanson, reprit Max, sans chercher à comprendre ou à se faire traduire les mots arabes dont le brûleur de gourbis agrémentait ses monologues. Cette chanson a fait rapidement son chemin, car je l'ai entendu chanter à Paris même. Ah, vraiment? Fit Poil de Brique, presque flatté que sa gloire eût ainsi émigré d'Afrique en Europe. Oui, il paraît personne qui la connaissait depuis au moins 12 ans. 12 ans? Vous m'étonnez, il y a tout au plus 10 ans que je suis revenu en France. Cependant, fit Max, il s'agit bien d'une chanson dont j'ai retenu ce couplet. Et il cita les 4 vers qui, depuis 8 jours, constituaient toute sa littérature. C'est bien la même, qui, en effet, a été composée il y a 12 ou 13 ans, mais pas plus, sur un air de marche, par un des hommes de mon bataillon, pendant notre expédition de Soukaras, dont nous avons tué le caïd, pris les chameaux, les armes, les femmes et les enfants. Toute une smala. Et comment expliquez-vous que cette poésie de soldat qui n'intéressait que votre troupe ait mis si peu de temps à traverser non seulement l'Algérie, mais la Méditerranée pour arriver jusqu'à Paris? Tout ce que je me rappelle, c'est que l'auteur de la chanson a précisément été blessé à l'affaire de Sougaras et qu'après un mois d'hôpital, il est retourné en France en congé de convalescence. Peut-être l'a-t-il redite à ses amis. C'est que la personne de qui je la tiens vit tout à fait en dehors de ce milieu-là. C'est une femme. Eh bien, est-ce que vous croyez que mes soldats ne peuvent pas connaître des femmes? Répondit le capitaine Follat avec un gros rire, qui, étant donné que cette femme était Geneviève, parut blessant à Maximilien. Mais, répliqua-t-il vivement, celle dont je vous parle est toute jeune, et avait peut-être 5 ou 6 ans quand ces couplets lui sont tombés dans l'oreille. C'est qu'il y avait aussi à l'hôpital, je m'en souviens maintenant, une petite fille d'environ 4 ans. Je dis environ car ces brutes d'Arabes, vous me croirez si vous voulez, ils ne savent seulement pas leur âge, à moins pourtant qu'ils ne le sachent et qu'ils ne veuillent pas le dire. Ils sont si faux et si menteurs. Et cette petite fille, comment se trouvait-elle dans un hôpital avec des soldats? C'était l'enfant du caïd de Soukaras. Quand mes hommes, après être rentrés chez lui, ont pénétré dans l'appartement de ses femmes, il y a eu un carnage assez coquet. La plus jeune des filles de la maison a eu un bras démis dans la bagarre, et nos blessés ont demandé qu'au lieu de l'achever, on l'envoyât se faire guérir à l'hôpital avec eux pour les distraire. Chose, jamais j'ai pu retenir son nom, lui répéter sa chanson toute la journée. Je le vois encore lorsqu'il la faisait sauter sur son lit. Oui, mais cette petite fille n'avait aucun motif pour quitter l'Afrique, fit observer Max, empoigné au dernier point. Voilà où vous vous trompez. Chose, il est inutile que je cherche son nom. Je ne me rappellerai jamais. Chose m'a demandé la permission d'embarquer avec lui la petite Arbicode. La réponse ne s'est pas fait attendre. Je lui ai dit, emmène-nous là, ce sera toujours ça de moins. Eh bien, qu'en concluez-vous? Demanda Max, les mains tremblantes et la langue collée au palais par l'émotion. Je n'en conclus rien du tout, répondit Paul de Frick. Évidemment, impatienté par l'insistance que mettait le jeune homme à le questionner sur des faits aussi insignifiants. Vous me demandez comment il se fait que l'air de marche de mes soldats soit connu à Paris depuis longtemps, et par des femmes. Je vous raconte que la fille du caïd de Soukaras, une fois débarquée en France, a pu l'apprendre à de petites camarades de son âge, qui la savent encore. Voilà ma conclusion. Et comment nommait-on ce caïd? Et il s'appelait Ahmed Ben Messaoud. Quand on l'a relevé, il avait 11 balles dans le corps. Et l'enfant? On n'avait sans doute jamais vu son nom. Dans l'hôpital, on l'appelait Oudja, mais Oudja n'est qu'un substantif arabe qui signifie épouse. Chose qui aimait à jouer, lui disait toujours Arroachir Oudja Hanna. Viens, petite femme à moi. Et ce nom d'Oudja, lui était resté. Et il n'y avait plus l'ombre d'un doute. Celle qui avait retenu l'improvisation du soldat de poil de brique ne la tenait pas d'Oudja, c'était Oudja elle-même. C'est-à-dire Geneviève. Geneviève qui ne connaissait pas son âge. Geneviève dont les yeux fendus jusqu'aux tempes donnaient si bien l'idée de ce que nous appelons en France des yeux d'arabe. Geneviève dont le teint roseté n'appartenait certainement pas au continent européen. Sa tournure biblique, sa démarche presque solennelle, qui avait fait dire à Maximilien dès l'abord, elle ressemble à la Judith de Cristofano Arrui. Les vagues représentations de paysages oubliés qui repassaient devant elle, tout témoignait avec plus de certitude que les papiers les plus réguliers, que les signatures les plus légalisées de l'état civil de Geneviève. La femme qu'il allait épouser n'était plus la petite ouvrière qui avait mis sa misère et son abandon sous la protection de la mort. C'était la fille du caïd de Soukaras, du chef militaire et civil du cercle de Beni Sassen. Une fois sûr de ces informations, Max ne songea plus qu'à quitter le salon du capitaine, où il commençait à s'agiter comme un cheval qui cherche à briser sa longe. Il se sentait pour lui une reconnaissance qui le lui faisait trouver presque beau, mais il n'aspirait qu'à rencontrer un motif suffisant de le planter là. J'avais pris la liberté de vous arracher à vos travaux. Max s'appuya sur le dernier mot. Rien ne flatte un homme qui ne fait rien, comme de s'entendre dire qu'on l'arrache à ses travaux. Afin d'obtenir de vous communication d'un plan topographique de Constantine, blanc plan qu'on m'a assuré être en votre possession. Mais j'abuse, réellement j'abuse. Mon père et moi, nous ne partons pas encore. J'aurai l'honneur de vous revoir et nous examinerons le plan ensemble. Le plan dont vous parlez, je ne saurais affirmer qu'il soit chez moi. Je verrai dans mes cartons. Dans tous les cas, j'irai au ministère de la guerre. J'en parlerai à ces messieurs. Et en attendant, je vais vous rédiger quelques notes. Vous nous rendrez à nous et à la science un service inappréciable, capitaine, dit Max en lui tendant la main. Si la France possède beaucoup d'officiers comme vous, elle a lieu d'être fière. À l'Afrique, dit modestement Folard, en répondant à son étreinte, est la véritable école du soldat. C'est des bureaux arabes que sont sortis nos meilleurs généraux. Ils se saluèrent sur ces paroles cordiales, et une demi-heure plus tard, Max, après avoir traversé Paris à force de route, débouché chez Geneviève. « Tu te nommes Oudja, » s'écria-t-il, dès le pas de la porte. « Tu es né en Algérie, près de Constantine. Tu es la fille d'Ahmed Ben Messaoud, l'ancien caïd de Soukaras. J'ai vu Paul de Bric, il est atroce, mais c'est un ange. J'ai un père, et je vais pouvoir l'embrasser. Quel bonheur! Il faut partir tout de suite pour Constantine. Est-ce bien loin? Ton père est mort, ma chérie. Ah, il est mort, ne pleure pas, c'est un grand malheur. Mais s'il vivait, nous ne serions pas l'un à l'autre. C'est une considération. Caïd, c'est beaucoup, Caïd? Demanda Geneviève en s'essuyant les yeux. Je crois bien, c'est comme par exemple un préfet militaire qui gouvernerait toute une province. Tu as raison, fit Geneviève, cherchant à remonter le cours de sa vie. Je me rappelle maintenant avoir assisté, étant toute petite, à des revues passées par mon père. Tous ces soldats portaient de grands manteaux blancs. Aussi, quand je t'ai vu pour la première fois, costumé en mariée et avec ce grand voile qui t'enveloppait, je me suis reporté, malgré moi, à mon enfance. Tu as dû me trouver bien effronté de te regarder dans le blanc des yeux, comme je l'ai fait. Mais ton ami s'était écrié. Tu as l'air de l'arabe. Ce mot arabe a produit sur moi un effet extraordinaire. Ma volonté n'y était plus. Je me disais, bien sûr, je le connais. Et c'est sous ce costume qu'il m'est déjà apparu. Mais pourtant, jusqu'ici, il ne s'est jamais montré à personne avec un voile sur la tête. Il y a là quelques mystères. Je m'explique maintenant. Comment je vais penser tout de suite que si je devais un jour aimer quelqu'un, ce serait toi. Max raconta son entrevue avec l'ancien capitaine, en cachant à Geneviève que ce pseudo-bienfaiteur était un peu le meurtrier de son père et l'exterminateur de quelques milliers de ses compatriotes. Comme le docteur Ouzelot va être content d'apprendre que je ne suis pas la première venue, s'écria Geneviève quand Max eut achevé son récit. J'aime à le croire, répondit-il. Avec une sorte de pressentiment que cette nouvelle ne transporterait pas Ouzelot d'une joie aussi vive que paraissait le croire celle qu'il affecta d'appeler Oudja tout le reste de la soirée. On eut une pensée pour l'improvisateur, mais Paul de Bric avait oublié son nom, et 12 ans s'étaient passés depuis que le convalescent avait quitté l'Afrique. Une fois à Paris, il s'était probablement débarrassé de sa petite protégée sur quelque âme charitable, et il était reparti pour d'autres aventures. Dis donc, il me vient une réflexion, fit Maximilien, en couvrant de baisers passionnés sa belle conquête. Tu es musulmane? Et la voisine qui voulait aller chercher un prêtre catholique, quand de me croyant en danger, répondit Geneviève. Tu as bien fait d'en empêcher. Qu'est-ce que ce pauvre Mahomet aurait pensé de moi?